Pardieu, s'écria Michel, il faut avouer que nous ne sommes que de francs imbéciles. Je ne dis pas non, répondit Barbicane. Mais pourquoi? Parce que nous avons un moyen bien simple de retarder cette vitesse qui nous éloigne de la Lune et que nous ne l'employons pas. Et quel est ce moyen? C'est d'utiliser la force de recul renfermée dans nos fusées. Au fait, dit Nicholl, nous n'avons pas encore utilisé cette force, répondit Barbicane. C'est vrai, mais nous l'utiliserons. Quand? Demanda Michel. Quand le moment sera venu. Remarquez, mes amis, que dans la position occupée par le projectile, position encore oblique par rapport au disque lunaire, nos fusées, en modifiant sa direction, pourraient l'écarter au lieu de le rapprocher de la Lune. Or, c'est bien la Lune que vous tenez à atteindre. Essentiellement, répondit Michel. Attendez alors. Par une influence inexplicable, le projectile tente à ramener son culot vers la Terre. Il est probable qu'au point d'égale attraction, son chapeau conique se dirigera rigoureusement vers la Lune. À ce moment, on peut espérer que sa vitesse sera nulle. Ce sera l'instant d'agir. Et, sous l'effort de nos fusées, peut-être pourrons-nous provoquer une chute directe à la surface du disque lunaire. Bravo ! Dit Michel. Ce que nous n'avons pas fait, ce que nous pouvions faire à notre premier passage au point mort, parce que le projectile était encore animé d'une vitesse trop considérable. Bien raisonné, dit Nicholl. Attendons patiemment, reprit Barbicane. Mettons toutes les chances de notre côté, et après avoir tant désespéré, je me reprends à croire que nous atteindrons notre but. Cette conclusion provoqua les hippies et les hurrahs de Michel Ardan. Une seule question restait à résoudre. À quel moment précis le projectile aurait-il atteint ce point d'égale attraction où les voyageurs joueraient leur va-tout? Pour calculer ce moment, à quelques secondes près, Barbicane n'avait qu'à se rapporter à ses notes de voyage. Il trouva que ce point serait atteint par le projectile à 1h du matin dans la nuit du 7 au 8 décembre. Or, il était en ce moment 3h du matin, de la nuit du 6 au 7 décembre. Donc, si rien ne troublait sa marche, le projectile atteindrait le point voulu dans 22h. Vers 7h du matin, tous trois étaient sur pied au même instant. Le projectile s'éloignait toujours de la Lune, inclinant de plus en plus vers elle sa partie conique. Fait d'une main inexplicable jusqu'ici, mais qui servait heureusement les dessins de Barbicane. Encore 17h et le moment d'agir serait venu.